Et voici qu'est venu le temps de sa retraite en sa famille, au milieu de ses 10 enfants cultivant avec lui la terre. Sa vie semble heureuse et bénie. Mais tandis qu'il cède au souvenir, son ancien tourment l'a repris. Dorothée, je te demande aujourd'hui la plus grande preuve d'amour que femme puisse donner. Je crois que Dieu veut que je quitte maintenant cette maison, et nos enfants et toi, pour aller vivre seul comme un ermite, seul avec Dieu. J'ai lutté contre moi-même et contre Dieu longtemps. Je redoutais cette heure où il faut te parler. Elle m'angoissait plus que la mort. Maintenant, tu sais tout. Tout dépend de toi seul. Je partirai si tu l'acceptes.